quoi qu'on fasse. Un homme se promène avec son fils et leur âne à travers les rues poussiéreuses d'un village à midi. Le père est assis sur l'âne mené par le fils. « Pauvre garçon, » dit une femme sur un ton de reproche, « regarde comme il essaie, avec ses petites jambes, de s'aligner sur la vitesse de l'âne. Quel cœur a-t-il de vouloir rester assis sur l'âne alors qu'il voit que l'enfant est tellement fatigué ?» Cela va droit au cœur du père qui descend de l'âne et laisse son fils s'asseoir dessus. Peu de temps après cela, un passant s'exclame « Comment est-ce possible ? Ce petit gosse est assis sur l'âne comme un roi et le pauvre père marche à côté. » Lorsque l'enfant entend cela, il demande à son père de s'asseoir à côté de lui sur l'âne. Un petit moment après, une vieille dame crie « Avez-vous jamais vu une telle chose ? Une telle cruauté envers les animaux ? Ce pauvre âne avec son dos déjà courbé ? Dans cette chaleur et ces deux-là qui prennent du bon temps à le monter, pauvre créature. » Le père et le fils se regardent et descendent tous les deux de l'âne sans dire un mot. Maintenant, ils marchent à côté de l'âne. Quelques minutes plus tard, un étranger passe par là et se moque d'eux. « Comment pouvez-vous être si stupide ? Pourquoi prenez-vous l'âne avec vous pour une promenade ? Il ne fait rien ? Il ne vous sert à rien ? Il ne porte même pas l'un d'entre vous. » Le père donne à l'âne une brassée de foin, met son bras autour de l'épaule de son fils et dit « Quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Je pense que nous avons besoin de savoir par nous-mêmes ce qui est bien pour nous. »